إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قد وصلنا إلى الباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وذكرنا في التميمة في الحلقة والخيط ونحوهما أنهم من الشرك، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. وكذلك ذكرنا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. Donc on s'est arrêté au chapitre fait partie du cirque, fait partie de l'association, le fait de porter un anneau ou un fil ou autre que ceci pour repousser un mal, pour enlever un mal ou le repousser. Et donc on a vu, ça c'est très important, on a vu que la personne tombait dans le shirk, dans le grand shirk ou dans le petit shirk en fonction de sa croyance. Et si la personne croit que cette chose en particulier va lui profiter, va lui apporter un bien ou va lui nuire en elle-même, que c'est elle qui va lui apporter un bien ou lui nuire, alors ceci est du grand politisme. Mais si la personne le porte en croyant que ceci est un est une cause pour apporter une cause de l'apport d'un bien ou d'un mal, alors ceci est du petit shirk. Et aussi on avait vu la mise en garde contre le fait de porter un anneau ou un fil ou autre que ceci pour apporter un bien, un bénéfice, ou pour repousser un mal, car ceci fait partie du shirk. Et de la même sorte, c'est la même sorte de polythéisme que l'on veut des statues. وأذكر كلام وهو كلام الشيخ ابن عثيمين وهو كلام مهم. قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط، الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله سبحانه وتعالى كالجبرية والأشعرية، والجبرية هم الذين ينفون مشيئة العبد، أن للعبد مشيئة، والأشعرية هم الذين ينفون الصفات ويثبتون سبع صفات. والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. والثالث وهم أهل السنة والجماعة، من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها لكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. Donc, j'évoque la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen car elle est très, très importante à ce sujet. Donc, il évoque Cheikh Ibn Uthaymeen et après on reprend le charh. que les gens, au sujet des causes, sont de trois catégories. Deux extrémités et un au milieu. Le milieu, bien sûr, c'est les gens de la Sunna. Le premier, c'est ceux qui renient les causes. Et ce sont tous ceux qui renient la sagesse d'Allah. Et yani qu'Allah fait les choses par sagesse. Comme Al-Jabriya. Al-Jabriya, c'est ceux qui disent que la personne n'a aucune volonté. Donc elle est poussée à faire ce qu'elle fait. Et elle est comme un robot. Il n'a aucune volonté. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, les manchas aminkum an yastaqim. Et pour celui qui veut d'entre vous, qu'il se tienne droit sur la droiture. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset-là, a affirmé que la personne, le serviteur, a une volonté. Mais cette volonté entre sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Et aussi l'Ash'ariyya, ceux qui renient tous les attributs d'Allah Azza wa Jalla sauf 7. Et bien sûr, ils renient aussi la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Et la deuxième sorte, c'est ceux qui exagèrent dans l'affirmation des causes. Jusqu'à ce qu'ils ont exagéré à tel point qu'ils ont apporté des causes qui n'ont pas été légiférées. Et ce sont les affabulateurs parmi les soufis et autres que ceux-ci. Donc, ils rendent ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas rendu. Ils rendent des choses comme étant des causes qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas rendu commis. Et il n'a pas fait que ceux-ci soient des causes, comme le fait de porter des talismans. Et troisièmement, c'est les gens de la Sunna, c'est ceux qui croient aux causes et qui croient à leurs traces. Mais ils affirment les causes qu'Allah Azza wa Jalla a affirmées, subhanahu wa ta'ala, et que son messager aussi a affirmé comme étant des causes légiférées ou des causes universelles. Voilà pour ce point. On continue dans le charh. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. Et Imran ibn Hussein rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne, et dans des versions il est venu que cette personne c'est Imran ibn Hussein radiallahu anhu. Donc il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne qui portait un anneau de cuivre à sa main. Qui portait un anneau de cuivre à sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, qu'est-ce que ceci? Et il dit, minalwahina, c'est-à-dire, c'est une sorte de maladie. On verra ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit, enlève-la, car elle ne te rajoutera que faiblesse. Et si tu meurs en la portant, alors tu ne réussiras jamais. Et le hadith a été rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission où il n'y a pas de mal. Et Imran, voit Imran ibn Hussein ibn Ubayd ibn Khalaf al-Khuzai, sahabi ibn sahabi, aslama aam khaybar wa mata sanata 52 من الهجرة بالبصرة. ما هذه؟ استفهام إنكار. والواهنة نوع من المرض يصيب الداء اليد. انزعها أي اطرحها، والنزع والجذب بقوة، وهنا أي ضعفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ما أفلحت والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. Donc on explique les mots clés de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à cette personne qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que c'est. Et c'est une question où il y a un blâme dedans. Cheikh Fawzan évoque que c'est une question et yani, qui a pour sujet le blâme. Et donc, cette personne a répondu ceci, qui l'a porté à cause de l'Wahina. C'est une sorte de maladie qui touche la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, lui a demandé de la jeter, de l'enlever, et c'est-à-dire de la retirer avec force. Car s'il ne la retire pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle va lui rajouter de la faiblesse. Et donc, al-falah, c'est-à-dire la réussite, c'est le fawz, ou al-dhafr, ou al-sa'ad, c'est-à-dire le bonheur, la victoire, le fait de gagner, la victoire, le bonheur. Ou al-ma'na al-ijmali lil-hadith, yadhkuru lana Imran ibn Husayn, radiyallahu anhuma, موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامي له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمر عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Donc, Cheikh Fawzan explique le sens général du hadith. Il explique donc, Cheikh Fawzan, que Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, nous évoque un cas parmi les cas qui s'est produit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant laquelle, comme ce fut son habitude, paix salut sur lui, il combattait le shirk, l'association, et débarrasser les gens de cette association. Et donc ce cas-là, ou cette situation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne. On a vu cette personne dans d'autres versions, c'est Imran ibn Husayn. Donc il a vu une personne qui portait un anneau fabriqué en cuivre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné au sujet de l'intention qu'il avait. Pourquoi il a porté cet anneau? Et donc la personne a répondu qu'il l'a porté pour le préserver de la douleur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de prendre l'initiative de la jeter. Et il lui a évoqué que cet anneau ne lui profiterait en rien, mais plutôt qu'il lui provoquerait du tort. Et aussi qu'elle lui rajouterait à sa maladie. Qu'elle lui rajouterait de la maladie à sa maladie. Et aussi, encore pire que ceci, encore plus immense que ceci, que si cette personne continue sur ceci et qu'il meurt en portant cet anneau, alors la réussite lui sera interdite dans l'au-delà. Donc, comme on l'a vu avant, le shirk peut toucher aussi les pieux. Mais, juste pour faire une petite faïda, Cheikh Saleh al-Sheikh dit que si la personne qui porte cet anneau, yani, la personne qui porte ceci, yani, est un sahabi, c'est un compagnon, alors on ne peut pas dire que cette personne l'a porté et elle est pour la préserver ou pour enlever le mal et en, en, en disant qu'il croyait que c'est cet anneau en particulier qui allait lui le préserver ou lui enlever le mal. Donc, c'est le deuxième cas qu'on a vu. Donc, si c'est un sahabi, on dit que c'est du petit shirk. On dit que cette personne, que ce sahabi, l'a porté comme étant une cause. Et non pas qu'elle-même, en particulier en dehors d'Allah, elle préserve ou elle apporte le mal. Elle préserve du mal ou elle préserve du mal. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. Et donc le lien qu'il y a entre ce hadith et le chapitre, c'est que ce hadith indique qu'il est interdit de porter un anneau pour repousser le mal ou repousser les calamités, car ceci fait partie du shirk qui contredit la réussite de la personne. Qui s'opposera à sa réussite. ما يستفاد من الحديث أولا أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. Donc, ce qu'on retient de ce hadith, très important, c'est que le fait de porter un anneau, ou autre qu'un anneau, des exemples dans notre époque, il faut mettre en garde. Et on en cite certains que les savants ont cités, comme le fait de mettre le Coran dans les voitures, en croyant que ce Coran va nous préserver. Ou le fait d'écrire « Masha'Allah » sur les voitures, sur les maisons, d'accrocher les versets dans les maisons en croyant que ceci va nous préserver en dehors d'Allah, de mettre le fer du cheval sur les portes ou sur les voitures, ou les queues de poisson, ou les têtes d'animaux, ou tout ce que les gens inventent. Tout ce que les gens ont rajouté, ont inventé dans la religion d'Allah, qui n'a aucun fondement. Al-Muhim. Donc, le fait de porter un anneau ou autre que ceci pour se préserver des maladies, alors ceci fait partie du shirk. C'est de l'association. Et donc, on revient au détail. Est-ce que cette personne l'a mis en croyant que c'est cette chose, en particulier en dehors d'Allah, qui va la préserver des maladies? Ça, c'est du grand shirk qui sort de l'islam, même sans le savoir. Ou est-ce qu'il a mis en croyant que ceci est une cause? Et ceci, Allah Azza n'a pas légiféré des choses qui n'ont aucune vérité. Thaniyan, an-nahyu an al-tadawi bil-haram. ثالثا إنكار المنكر وتعليم الجاهل. Deuxièmement, il est l'interdiction de se soigner avec les choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdites, avec l'illicite. Et en l'occurrence ici, c'est les anneaux. Allah Azza wa Jalla n'a pas légiféré ceci. Troisièmement, il y a le blâme, le fait de blâmer le blâmable et d'apprendre à l'ignorant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à cette personne que ceci n'allait lui rajouter que mal, que faiblesse. Rabi'an, dharar al-shirk fi al-dunya wal-akhirah. Khamisan, istifsal al-mufti wa'atibar al-maqasid. Donc, quatrièmement, il y a le mal du shirk, la nuisance du shirk, de l'association, ici-bas comme dans l'au-delà. Comme on a vu, ici-bas, la personne qui porte cet anneau, Allah Azza wa Jalla va faire qu'elle lui rajoute que de la faiblesse. Et dans l'au-delà, il n'aura pas la réussite. Donc, c'est une nuisance énorme pour celui qui commet ce shirk. Cinquièmement, il y a le fait que le mufti demande en l'occurrence ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les détails et prennent compte en compte les intentions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ma hadi, yani pourquoi, yani c'est quoi la cause qui l'a fait porter cet anneau. Au sadisan anna shirk akbar al-kaba'ir. وأذكر كلام الشيخ في موضوع آخر في قال في هذا الباب يعني أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال لأن المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركا فلا تخل بالعقيدة، وأما الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة وأيضا لا يغفر على الصحيح. وكذلك ذكرناهم فيما قبل قول ابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. والحلف بالله كاذبا هو يمين الغموس، يسمى يمين الغموس، وهو يعني يغمس صاحبه في الإثم ثم في النار. ومع ذلك رأى ابن مسعود أن الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغير الله صادقا لأنه شرك. Donc, sixièmement, ça c'est une chose très importante, c'est que le petit shirk est plus grand que les grands péchés. Le petit shirk est plus grand que les grands péchés. On l'a déjà vu avant, on a vu que les grands péchés, la personne entre sous la volonté d'Allah Azzawajal si elle ne se repent pas avant la mort. Mais le petit shirk, certains savants ont dit qu'il est obligatoire qu'il se fasse châtier, qu'Allah le châtie. Yawm al-Qiyam, il ne s'est pas repenti de son petit chef. Et aussi pourquoi Cheikh Fawzan l'a expliqué dans une autre explication, c'est que les péchés, même si ce sont des grands péchés, donc, et que ce n'est pas du shirk, alors ces péchés-là ne touchent pas la aqida. Et elles n'atteignent pas ou elles ne provoquent pas un défaut dans la aqida. Mais le petit shirk provoque une déficience ou un défaut, une défectuosité dans la aqida. Et aussi parce que le shirk, selon la parole la plus authentique, n'est pas pardonné. Il n'est pas pardonné, le shirk. Même le petit shirk. Thanian, j'ai oublié. Donc, aussi, on a vu ceci avant, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que je jure par Allah, par Allah, en mentant, est meilleur et plus aimé pour moi que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Et le fait de jurer par Allah en mentant, c'est un grand péché. C'est un grand péché, le fait de jurer par autre qu'Allah, par Allah en mentant. Et il l'appelle, les savants, Yamin al-Ramous, c'est-à-dire le juron qui fait plonger la personne dans le péché, puis dans le feu. Et donc, Ibn Mas'ud a vu que ce grand péché, est moindre par rapport au fait de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Pourquoi ? Parce que le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est du petit shirk. Vous avez compris, Inch'Allah ? C'est après, celui qui n'a pas compris, c'est très important, il faut comprendre. Thaminan, anna shirk la yu'adharu fihi bil jahl. Septièmement, il y a le fait que le shirk, l'association, n'est pas excusé par l'ignorance. Le fait que la personne soit ignorante, ce n'est pas une excuse dans le shirk. Ça, c'est la parole du shirk al-Fawzan. Thaminan, et tarlidu fil inkar ala man. التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. Et huitièmement, il y a l'accentuation dans le blâme, dans le fait de blâmer une personne qui s'adonne à un quelconque shirk, à une quelconque association, pour se sauver de cette association. وله يعني لأحمد أي وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وفي هذه الرواية وسبب هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. Donc l'imam Ahmed rapporte que Uqba ibn Amr radiallahu anhu, il rapporte un hadith élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: celui qui s'attache à un talisman ou une amulette, alors qu'Allah ne fasse pas aboutir ou n'accomplisse pas ses affaires, et celui qui s'attache à un coquillage, alors qu'Allah ne lui donne pas la tranquillité. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'attache à un talisman a certes associé. Et ce qui a été rapporté, la cause de ce hadith, de cette version, c'est qu'un groupe de personnes, 10 personnes sont venues au messager d'Allah Azzawajal pour faire le pacte d'allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait allégeance à 9 personnes et il en a laissé une. Et donc ces personnes-là ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit: oh messager d'Allah, tu as fait le pacte d'allégeance à 9 et tu ne l'as pas fait à cette personne-là. Et il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu: il porte une amulette. Et il a donc entré sa main et il l'a arrachée et il a donc fait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'attache à un talisman, un certain associé. Maintenant, on voit les termes du hadith. Uqba ibn Amr, wa Uqba ibn Amr al-Juhani, sahabi al-mashhur, wa kana faqihan, fadilan waliya imarata Misr, li mu'awiyata 3 sinin, wa mata qariban min al-60. Wa lahu, ay, wa rawa al-imamu Ahmad, ta'allaqa tamimatan, ay, allaqaha alayhi aw ala ghayrihi mu'taqidan biha. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على الأولاد على أولادهم يتقون بها الأعين فلا أتم الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم, دعاء عليه بأن لا يتم الله أموره. ودعة, والودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. فلا ودع الله له, أي لا جعله في دعة وسكون أو لا خفف الله عنه ما يخافوه ما يخافه. وفي رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر. Donc on voit les propos du hadith. Uqba ibn Amr, il s'appelle Uqba ibn Amr, le Johani, qui fait partie des compagnons qui sont connus, qui sont célèbres. Et il était donc un juriste émérité. Et il a été gouverneur de l'Égypte au temps de Muawiyah pendant trois. Et il est sous la gouvernance de Muawiyah pendant trois, radiallahu anhuma, pendant trois années. Il a donc gouverné le gouvernorat de l'Égypte pour Muawiyah pendant trois années. Et il est mort à l'approche des 60 ans. Il est proche de 60 ans. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'attache une amulette. C'est-à-dire qu'il l'attache sur lui ou sur autre que lui, en ayant une croyance vis-à-vis d'elle. La croyance, on a vu. Où il la met? En croyant que ceci sera une cause de donner un bienfait, de porter bonheur, comme disent les porte-bonheur, ou de repousser un mal, ou de préserver, d'enlever un mal. Donc, celui qui l'a, l'attache sur lui-même ou sur autre que lui en ayant une croyance vis-à-vis d'elle. Et donc, et tamim, c'est-à-dire le talisman, ce sont des perles que les Arabes accrochaient sur leurs enfants pour les préserver du mauvais œil. Et donc, les savants disent aussi, elle est appelée tamim. Tamim, c'est-à-dire un talisman. Pourquoi? Parce que ils veulent par ceci, en l'accrochant, que leurs actions, que leurs intentions s'accomplissent. Et le coquillage, c'est bon, ils disent que yani, il l'attache pareillement par peur et en est pour préserver du mauvais œil. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'attache à un coquillage alors qu'Allah ne lui donne pas la quiétude ni la tranquillité, ou qu'Allah n'allège pas ce dont il craignait, ce dont il redoutait. والمعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق أن لا يتركه الله في راحة واتمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذ، وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. Donc on voit le sens général de ces deux hadiths. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre celui qui utilise ces talismans et qui a une croyance envers ces talismans, comme quoi elle repousse le mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque pour qu'Allah lui donne son opposé. Donc lui, il voulait, en s'attachant à ceci, il voulait qu'Allah azzawajal lui accomplisse, lui fasse aboutir son attention ou accomplir son attention. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque pour qu'Allah azzawajal lui donne son contraire, c'est-à-dire qu'il ne lui fasse pas accomplir ses actions. Et vous savez que les du'a du prophète sont évoqués, sont exaucés. Et aussi le prophète invoque sur celui qui utilise les coquillages pour la même intention qu'on a vu précédemment. Qu'Allah Azzawajal, il invoque le prophète, qu'Allah ne le laisse pas dans l'apaisement et dans la tranquillité, mais qu'il fasse que toute nuisance le touche. Et ceci est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pour intention de mettre en garde contre cette action, cette œuvre, le fait de porter des talismans. Et aussi dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans le deuxième hadith que celui qui fait ceci, qui s'accroche des coquillages, des talismans, que ceci fait partie de l'association envers Allah Azza wa Jalla. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق بها لها من الاعتماد على غير الله. Donc le lien qu'il y a entre ces deux hadiths et ce chapitre, c'est qu'il y a dans ces deux hadiths une preuve sur l'interdiction de s'accrocher, d'accrocher les talismans et les coquillages, et que ceci fait partie du shirk. En fonction de ce que le cœur de la personne qui s'y attache a comme l'i'timad, c'est-à-dire le fait de s'en remettre, il s'en remet à autre qu'Allah Azza wa Jal en l'apportant. La personne qui porte ceci s'en remettra à autre qu'Allah. Cette personne s'en remet à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça que c'est du shirk. Car son cœur va s'attacher, va s'en remettre à autre qu'Allah. Il va s'en remettre à ce talisman. Ma yustafadu min al-hadithayn, awwalan, anna ta'liq al-tama'im wal-wada' min al-shirk. Thaniyan, premièrement, ce qu'on retient de ces deux hadiths, premièrement, c'est que le fait d'accrocher des talismans ou des coquillages fait partie du shirk. Donc, on a vu, est-ce que c'est du grand ou du petit ? Ceci se fait en fonction de la croyance de la personne qui s'y attache, qui l'attache. Et aussi, donc, une chose, juste une belle faïda. مسألة نبه عليها الشيخ صالح للشيخ قال وإن علقها للزنا فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك بالله الشرك الأصغر وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Et donc une autre مسألة, un autre point juste pour avoir plus de fawaïd. Cheikh Salah al-Sheikh a dit que celui qui s'accroche, que celui qui attache une amulette juste parce que c'est la mode, parce que ça fait beau, quoi. Alors ceci est interdit, c'est illicite. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ceci une ressemblance à ceux qui font le petit shirk. Et aussi parce que le prophète a dit « Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. » Bien sûr, ceci fait partie des hadiths ou des textes où il y a une menace. « Wa ibn Abi Hatim an Hudhayfa radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. Et donc Ibn Abi Hatim rapporte que Hudhayfa radiyallahu anhu a dit que Hudhayfa radiyallahu anhu a vu une personne qui portait à sa main un fil pour le préserver de la fièvre. Et donc Hudhayfa l'a arraché. Et il a lu la parole d'Allah Azzawajal. Et la plupart d'entre eux croient en Allah qu'en lui donnant des associés, qu'en étant polythéiste. Et la plupart d'entre eux croient en Allah qu'en lui donnant des associés. وابن أبي حاتم أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين مات سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. Donc حذيفة ابن أبي حاتم celui qui rapporte le hadith de Hudhayfa et c'est celui qui est l'auteur du livre Al-Jarh wa Al-Ta'dil, la critique et le fait de rendre juste. Et Hudhayfa, c'est Hudhayfa ibn al-Yaman, l'Absi, Halif, c'est l'allié des Ansar et c'est un compagnon aussi qui fait partie des premiers qui sont rentrés dans l'islam et il est mort en l'an 36 de la Hijra. Et donc cette personne-là portait un fil pour le préserver de la fièvre. Et que ce fil-là va le préserver prétendument que la fièvre le touche. Et donc, Hudhayfa a pris comme preuve le verset qu'on a vu pour lui arracher ce talisman, ce fil. وَمَعْنَ الْأَثَرْ إِجْمَالًا أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلًا قَدْ رَبَطَ فِي عَضُدِهِ خَيْطًا يَتَّخِ بِهِ مَرَضَ الْحُمَّى فَأَزَالَهُ عَنْهُ منكرا فعله هذا واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Donc le sens de ce hadith, le sens général de ce hadith, c'est que Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a vu une personne qui a attaché à son bras un fil pour se préserver de la fièvre. Et donc il l'a enlevé en le blâmant, en blâmant cet acte. Et il a pris comme preuve ce verset. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, qu'en étant polythéiste. Il a pris cette preuve où Allah Azzawajal a évoqué dans ce verset que les polythéistes rassemblent entre le fait d'affirmer le premier tawhid, l'unicité dans la seigneurie et l'association dans l'adoration. Comme on a vu, les polythéistes croient en Allah Azzawajal. Ils croient au premier tawhid al-Rububiyyah, le fait, ils croient qu'Allah Azzawajal c'est lui le seul créateur. Il croit qu'Allah Azzawajal, c'est à lui qu'appartient le royaume. Et c'est à lui, c'est Allah qui possède, qui gère l'univers. Mais ils associent dans son adoration, dans le deuxième tawhid. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. Donc, le lien qu'il y a entre ce Athar, cette parole, ce hasard et le chapitre, c'est que dans ce hasard, il y a le fait de considérer le port de cette, de ce fil pour préserver de la maladie, que ceci, il y a le fait de considérer ceci comme étant du shirk dans la, de l'association, et qu'il est obligatoire de le blâmer, de blâmer cet acte-là. ما يستفاد من الأثر أولا إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك. Donc qu'est-ce qu'on retient de ce hasard? Premièrement, c'est qu'il y a le fait de blâmer le port de ce fil pour préserver des calamités ou pour repousser ceci, et que ceci fait partie du shirk, ceci fait partie de l'association. ثانيا وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. Deuxièmement, il y a l'obligation d'enlever le blâmable pour celui qui en est capable. Et dans ce hadith, Hudhayfa a été capable, donc il a arraché ce fil. Et comme on a vu, il y a des degrés dans ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui voit un mal, une chose blâmable, qu'il le change par sa main, et s'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue alors, et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par son cœur. Et ceci est le plus bas de la foi. ثالثا صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. Donc troisièmement, il y a la validité de prendre comme preuve ce qui est descendu à propos du grand shirk, pour parler du petit shirk, pour interdire le petit shirk, car le grand shirk inclut ou englobe le petit shirk. Car ce verset dont Hudhayfa a évoqué, ce verset évoque le grand shirk. Le grand shirk. Et pourtant, Hudhayfa, radiallahu anhu, l'a pris comme preuve pour interdire le petit shirk. رابعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. Quatrièmement et dernièrement, il y a le fait que les polythéistes affirment le premier tawhid, l'unicité dans la seigneurie, alors qu'ils sont polythéistes. Il y a le fait que les polythéistes affirment l'unicité dans la seigneurie, et avec ceci, même s'ils affirment ceci, ils sont quand même polythéistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas voué un culte exclusif à Allah dans leur adoration. On passe au chapitre suivant, il reste du temps. باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية والتمائم جمع تميمة. Donc le chapitre suivant, le chapitre de ce qui a été rapporté au sujet des incantations, rukya, des incantations et des talismans. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وفي الصحيح يعني في الصحيحين. Donc, dans les deux authentiques de le Bukhari et le Muslim, Abi Bashir al-Ansari qu'Allah l'agrée, qui fait partie des compagnons du Prophète sallam, était avec le messager d'Allah azzawajal durant l'un de ses voyages. Et donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un émissaire pour dire ou pour ordonner aux gens de couper tout collier de boyaux ou de couper tout collier accroché au cou des chameaux. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et le Muslim. مناسبه الباب لكتاب التوحيد انه استمرار في ذكر الاشياء التي تخل بعقيده التوحيد من الرقى والتمائم الشركيه. Donc le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre de l'unicité. Dans ce chapitre, il y a la continuité de ce qui a été évoqué avant ceci, parmi les choses qui rendent la aqida, la croyance de la personne, défectueuse, qui rendent le tawhid de la personne, la croyance au tawhid de la personne, défectueuse. Et parmi elles, les incantations et les talismans où il y a du polythéisme, qui sont les incantations et les talismans où il y a du polythéisme. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها وفي الصحيحين كما ذكرنا في الصحيح يعني في الصحيحين وعن أبي بشير هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين وقلادة أي ما يعلق في رقبة البعير وغيره ووتر أي واحد أوتار القوس وقال قلادة من وتر أو قلادة وهذا شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره من الوتر وغيره. Donc, Cheikh Fawzan explique les mots de ce hadith. Donc, Abi Bashir al-Ansari, qui fait partie des Sahaba, a vu, était durant l'un de ses voyages avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un émissaire pour dire, pour ordonner aux gens de couper tout collier. De couper tout collier de boyaux ou collier. Et dans ce hadith-là, Cheikh Fawzan, le collier, c'est ce que les Arabes accrochaient au cou des chameaux. Et le watar, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils prennent pour l'arc, le fil qu'ils prennent pour l'arc. Et il est pris des boyaux des animaux. Al-Muhim, ceci est un doute du rapporteur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de couper tout collier de boyaux qui sont spécifiques aux boyaux qui sont utilisés pour l'arc ou tout collier, que ce soit des colliers de boyaux ou autres que ceci. Ceci est un doute du rapporteur. والمعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. Donc le sens général de ce hadith, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé dans l'un de ses voyages un émissaire pour appeler les gens à enlever tout collier des cous des chameaux. Et ces colliers, tout collier pour lequel, par lesquels on cherche à se préserver du mauvais œil, ou se préserver ou à repousser le mauvais œil, ou à repousser les calamités, car les Arabes utilisaient ces colliers de boyaux pour repousser le mauvais œil ou repousser les calamités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on appelle les gens à couper ceci, à couper ces colliers. Car ceci fait partie du shirk, dont il est obligatoire de l'enlever. Et yani, ne croyez pas qu'à notre époque, ça n'existe pas ça. Il reste encore ceci. Peut-être que ce n'est pas des boyaux, mais Mohim, c'est des choses qu'ils accrochent autour des, de leurs bêtes. Et pas spécifiquement les chameaux. Ça peut être autre chose. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. مناسبة الحديث للباب من حيث أنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Donc le lien qu'il y a entre ce hadith et ce chapitre là. C'est que ce hadith indique que le fait de faire porter à son chameau ou au chameau un collier, que ce soit un collier ou autre, que ce soit de boyaux ou autre que ceci, ou tout ce qui va dans ce sens. Et aussi, Cheikh Ibn Azamine explique aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le cou des chameaux, ce ne veut pas dire que yani, il est autorisé de l'accrocher dans le pied ou dans la main, non. Car c'était ceci qui était répandu au temps des Arabes, qu'ils l'accrochaient au cou. Donc, il indique que le fait d'accrocher ceci, que ce soit des boyaux ou autres, ces colliers autour des coups des chameaux, autour des chameaux, ou autre, pour préserver, pour repousser le mal, pour repousser les calamités, alors ceci est du shirk, car elle fait partie des talismans illicites. ما يستفاد من الحديث أولا أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. Donc ce qu'on tient de ce hadith, premièrement, c'est que le fait d'accrocher ces colliers de boyaux que les Arabes accrochaient avant pour repousser les calamités, alors son jugement, c'est le jugement des talismans dans l'interdiction. يعني il est interdit d'approcher ceci. ثانيا إزالة المنكر وثالثا تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم. Donc deuxièmement, il y a le fait d'enlever le mal, comme on a vu, il y a deux degrés. D'abord avec, le, avec la main, puis avec la langue, et celui qui ne peut pas avec le cœur, et c'est le plus bas degré. Troisièmement, il y a le fait de transmettre aux gens les choses qui vont être la cause de la préservation de leurs croyances. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Je te dis la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.